Comme un timbre heurté vibre encore, après que tout bruit s'est effacé, Colette, durant ce mois d'août, ne cessa pas de résonner aux paroles de l'absent. On ne la vit plus, toute vive et mobile glissée le long du quai, jeter un bonjour au passage à l'hôtelière de la ville de Lyon, plaisanter chez la fruitière et surprendre les petits crosses en leur mettant la main sur les yeux. Elle restait parfois des heures dans la chambre, sans rien répondre, que des monosyllabes à sa grand-mère. Celle-ci éprouve avec chagrin son impuissance à être utile à sa petite fille. Elle a épuisé dès le premier moment tout ce qu'elle pouvait lui dire, pour et contre ce mariage, et ne sort plus guère d'un « c'est bien dommage qu'il soit allemand ». Pauvre parole, mais ce sont des problèmes qu'il est plus facile de trancher au café-concert à Paris que dans les rues germanisées de Metz. Comme on met du foin, du coton et du papier autour des objets délicats, elle bourre de pensées quelconques leur causerie pour ne pas toucher à l'essentiel. Sa répugnance envers les Allemands est plus vive que celle de sa petite fille, car les jours d'aujourd'hui, elle les compare à sa jeunesse. Mais à mesure qu'elle voit les démolitions s'étendre, la sexagénaire tremble qu'après elle, Colette ne demeure sans abri. Et puis, il y a des considérations immédiates. Au bout de 15 jours, elle dit « Petite, il faudra te décider, car si tu le refuses, nous devrons remettre l'écriteau à sa fenêtre. » Ce n'est pas là-dessus que se décide une fille de 19 ans. Colette ne peut rien répondre. Elle eût paru bien touchante à qui l'aurait vue, commandée par la nature la plus saine et en même temps si désireuse d'agir au mieux de l'honneur. C'était le moment où, chaque année, les dames de Metz demandent aux jeunes filles de composer les guirlandes qui décoreront la cathédrale pour la messe commémorative des soldats morts pendant le siège. Colette a reçu des papiers d'argent, des fleurs, des perles, de la gaze. Elle se met à la tâche avec zèle. Mais durant son travail, souvent, son cœur est prêt à crever, moins d'un chagrin d'amour qu'à cause d'aimables habitudes perdues. Elle se rend compte que dès qu'elle a vu M. Asmus, elle l'a nommé dans son cœur, un bon et loyal garçon, et qu'elle n'avait à journée d'en convenir que pour des causes étrangères à son instinct. L'appartement, qui avait pris du professeur quelque chose de sonore et de plein, paraît aujourd'hui plus humble, en pénitence et veuf. Elle songe comme avec passion à la clarté de la lampe. Le soir, le jeune homme l'a une seconde tenue dans ses bras, et comme le matin avec loyauté, il lui a dit son désir qu'elle devint pour la vie sa femme. Mais là, quelque chose l'embarrasse, un obstacle sensible à sa raison. Elle voit son roman dominé, tout comme un amour de tragédie, par la politique, et au lieu de se demander bonnement, simplement, « Serais-je heureuse avec Frédéric ?» Il faut que cette petite logeuse du quai Félix Maréchal, tout en découpant la gaze et le papier, recherche où se trouve sa place, et s'il est plus honnête pour une Messine, de conquérir un Prussien aux idées françaises ou de le rejeter au Gretchen. Colette Aubaudoche est une petite Française de la lignée cornélienne, qui, pour aimer, se décide sur le jugement de l'esprit. Elle délibère, elle s'émeut à l'idée que son mariage pourrait la détourner de son véritable honneur. L'honneur, elle le sent plus qu'elle ne le connaît, mais elle en a un signe, certain, l'estime des dames de Metz. Elles sont une dizaine de personnes, la plupart assez vieilles, pour avoir vu le siège. Elles ont soigné nos soldats et construit pour nos morts le monument funèbre de Chambière. Elles l'entretiennent et, chaque année, au début de septembre, à matin, y vont suspendre des couronnes. Ces modestes femmes, élevées par nos malheurs, reforme sans le savoir une espèce d'aristocratie. Après l'exode des meilleures familles et dans une société découronnée qui voulait revivre, leur confrérie est devenue un des premiers corps messins. Elles remplissent une fonction publique, exercent une autorité morale et maintiennent l'ordre de sentiments sur lesquels veut se régler toute véritable Messine. Un profond respect des vainqueurs eux-mêmes les enveloppe, et le nom seul des dames de Metz émeut le passant. À qui l'on raconte cette constance, aussi bien que tous ceux dont la vie s'en mêle aux épreuves de la Lorraine. Leur présidente est Mademoiselle Aubertin, âgée de 82 ans, que l'on nomme pour la distinguer des autres Aubertins, Mademoiselle Aubertin la France. À la veille de livrer ses guirlandes, la pauvre Colette se sent le cœur gros de songer que les dames de Metz pourraient ne pas saluer Madame Frédéric Asmus. Le mois d'août s'acheva sous un ciel nuageux et froid. Été sévère que connaissent bien nos visiteurs, et qui semble élargir l'horizon, tranquilliser, éteindre les choses du dehors, porter toute l'attention sur l'âme. On ne pense pas sous une lumière éclatante, il y faut des temps de Toussaint ou ces grands jours lorrains, propres au recueillement, sinon chargés d'ennui. Le vent qui fraîchit au-dessus de nos têtes, dans les arbres, et qui nous gêne éternellement, nous soumet, nous assure de notre sujétion à des puissances invisibles. Asmus allait revenir, et la jeune fille, toujours irrésolue, attendait un appui de la messe des soldats du siège, pour laquelle son travail s'achevait, car l'inquiétude d'esprit nous dispose à la prière. Cette cérémonie fameuse, qui jusqu'à cette heure n'a rien perdu de son prestige, assombrit et ennoblit chaque année dans Metz les approches de l'automne. Elle a conservé la couleur et le ton que lui avait donné Monseigneur Dupont des Loges. Dupont des Loges, le successeur des grands évêques, debout contre les barbares. Il fut, après 1870, la voix et l'honneur de Metz, son chef spirituel, et dans son malheur, la province rhénane aime l'avoir reçu de la Bretagne celtique. Le 7 septembre 1871, 4 mois après le traité de Francfort, la ville, encore pleine de sa population française, mais prosternée dans la douleur et qui paraissait morte, se leva d'un seul mouvement à 8h30 du matin. Aux appels du glas de la cathédrale, les 40 000 messins s'en allèrent dans leur maison de prière. Ceux-ci chantaient à la cathédrale la messe des morts, ceux-là récitaient au temple le cantique de l'exil de Babylone, et ces autres à la synagogue leur psaume de deuil. Puis, tous les clochers de la ville sonnant, ils se rangèrent, place d'armes, derrière leurs prêtres et leurs magistrats, et se rendirent la croix catholique en tête, au milieu de la stupeur des Allemands, à Chambières, devant le monument que les femmes de Metz offraient aux soldats français morts dans les batailles du siège. Ombre généreuse et chère, ne craignez pas un désolant oubli. Ainsi parla le maire. L'évêque rappela que saint Paul défend de désespérer, et par 3 fois il entonna le Parce Domine, tandis que la foule à genoux, en pleurant, acclamait la France. Cette foule, les départs l'ont terriblement diminué, mais ceux qui restent savent que c'est leur devoir d'assister à la commémoration funèbre de septembre. Les dames Baudoche mettaient leurs vêtements de deuil quand M. Asmus se présenta, 24 heures plus tôt qu'il n'était attendu. Son allure respirait une joyeuse confiance, l'enchantement d'un ours qui va manger du miel, en même temps qu'une réelle bonté. Il était en redingote, et il expliqua comme une grande délicatesse qu'il était descendu cette nuit à l'hôtel pour leur faire la surprise de les accompagner ce matin à la messe de la cathédrale. C'était dire qu'il n'entendait gêner aucun des souvenirs de ces dames, et que, si Colette devenait sa femme, toute la Lorraine s'incorporerait à leur vie de famille. Sa présence gênait les deux femmes, autant que son intention les touchait. Cependant, elles ne firent paraître que leur gratitude. Et tous trois, ils gagnèrent les escaliers de la haute basilique, sur laquelle le soleil, après tant de journées de pluie, mettait la couleur des mirabelles. 5 ou 6 voitures débarquaient au perron de petits châtelains, venus de la campagne, et quelques enfants traversaient la place d'armes avec des bouquets. La cathédrale à l'intérieur ruisselait de clarté. Les vitraux du chœur, bleu de roi, bleu de France et vert mêlé de jaune, font face à la rose du portail, qui fleurit en réséda fanée, et le transept rayonne des belles dames du XVIe siècle qu'a créé Valentin Bouche. À voir la nef légère, où la plus fine armature soutient ses portes de lumière, il semble que Metz ait voulu dresser un symbole de sa loyauté. Monseigneur Dupont des Loges invoque sur son testament l'ange de la cathédrale de Metz. Cet ange lumineux et qui plane sans bruit, je crois l'avoir vu errer sur les brumes de la rivière. Grâce à lui, cette basilique fière, délicate et sereine, s'accorde avec les rives mosellanes. L'atmosphère y est favorable à tous les sentiments nés du sol messin. Depuis 38 ans, ces cérémonies fournissent aux indigènes la seule occasion de se rassembler, de sentir et de penser ensemble. Elle s'est accrue des malheurs de la cité, et son vaisseau qui brille au-dessus de la campagne paraît, dans le désastre lorrain, la maison de refuge du patriotisme. Les deux femmes suivies d'Asmus vont s'asseoir au bas de l'immense nef, toute tendue de noir. Au milieu s'élève et flamboie le catafalque chargé de fleurs. 1500 personnes ont répondu à l'appel. Des hommes de toutes les conditions, et même quelques juifs menés par le sentiment le plus respectable. Des femmes en grand nombre, uniformément vêtues de deuil. Beaucoup d'enfants, pauvres ou riches, qui baillent mais n'oublieront pas. Tout l'excellent, toute l'âme de Metz prête à se laisser soulever. Pour ces messins depuis 37 ans, il n'est pas de meilleur plaisir que de dresser les monuments du souvenir sur tous les plateaux du pays, ni de souci plus jaloux que de protéger leur cathédrale. Chacun d'eux recueille les moindres épaves des champs de bataille, s'attache à l'entretien des ossuaires, surveille avec inquiétude les entreprises, les menées des vainqueurs protestants autour de la vieille basilique, et veut qu'elle demeure dédiée au dieu des Messins. Voilà leur piété, voilà leur fierté. Au fond de ces cœurs vivaient toujours les idées qui inspirèrent les deux plus grandes fêtes du Moyen-Âge catholique, la fête en l'honneur des saintes reliques et celle pour la dédicace de l'Église. Avec quelle amitié minutieuse nos pères jadis consacraient chaque partie du bel édifice. De quelle vénération enthousiaste et confiante ils entouraient les moindres restes des martyrs, des héros. Aujourd'hui, ces deux grandes idées ne sont plus comprises qu'imparfaitement. On les délaisse, mais sous la cendre qui les recouvre, le moindre souffle les ravive. Elles composent peut-être la religion naturelle de notre race, ce qui s'éveille dans la partie mystérieuse de chacun de nous et qui nous réunit, les uns les autres, au choc d'une émotion de douleur ou de joie. Ces nobles revenantes, ces pensées éternelles, animent ce matin la foule. L'orgue est petit, les chanteurs lointains, et le groupe des prêtres en deuil se perd dans la pénombre de l'abside. L'évêque, d'une race étrangère mais d'un cœur noble, est prosterné sur son trône violet. Chacun s'incline. La messe vient de commencer, et l'officiant nomme ceux pour qui l'on va célébrer l'office. Aujourd'hui, nous faisons mémoire des soldats français tombés dans les batailles sous Metz. Cette formule consacrée est soutenue, appuyée, doublée du vœu pressant de toute l'assemblée. Véritable évocation. Les morts se lèvent de leur sillon. Ils accourent des tragiques plateaux de Borny, Gravelotte, Saint-Privat, Servigny, Peltre et La Donchamp. On les accueille avec vénération. Ils ont défendu la cité et la protègent encore. Leur mémoire empêche qu'on méprise Metz. La présence de ces ombres tutélaires dispose chacun à se remémorer l'histoire de son foyer. Celui-ci songe à ses parents, dont la vieillesse fut désolée. Cet autre à ses fils partis. C'est autre encore à sa fortune diminuée. Et le chef de famille, s'adressant à son père disparu, murmure « Vois, nous sommes tous là, et le plus jeune, que tu n'as pas connu, pense comme tu pensais. » Ainsi chacun rêve à sa guise. Mais s'ils sont venus, ces Messins, dans la maison de l'Éternel, c'est d'instinct, pour s'accoter à quelque chose qui ne meurt pas. Il leur faut une pensée qui les rassemble et les rassure. Le prêtre donne lecture de l'Épître. Admirable morceau de circonstance, car il raconte l'histoire des Maccabées, qui moururent en combattant pour leur pays et que Dieu accueillit parce qu'il avait accepté le sommeil de la mort avec héroïsme. C'est le texte le plus ancien et le plus précis où s'affirme la doctrine de l'Église sur les morts. Une grande idée la commande, c'est qu'ils ressusciteront un jour, honorons leurs reliques, puisqu'elles revivront, conduisons-nous de manière à leur plaire, puisqu'ils nous surveillent, et sachons qu'il dépend de nous d'abréger leur peine. Ces vieilles croyances communiquent à tout l'office des morts son caractère de tristesse douce et de mélancolie mêlée d'espérance. Une musique s'insinue dans les cœurs. Des appels incessants s'élèvent pour que des êtres chers obtiennent leur sommeil. Les traits rapides et pénétrants que le Moyen-Âge appelait les larmes des saints et ces vieilles cantilènes qui faisaient pleurer Jean-Jacques à Saint-Sulpice n'ont rien perdu de leur puissance pour détendre les âmes. Les regards ne peuvent se détacher des lumières du cercueil. Quoi ? Cette douloureuse armée est devenue une centaine de vives flammes sur les fleurs d'un catafalque. Vita mutatur, non tonitur, chantera bientôt le fils. Les morts ne sont plus comme nous, mais ils sont encore parmi nous. Quel repos, quelle plénitude apaisée ! Soudain, voici qu'au milieu de ces pensées consolantes éclate le Dies Irae. Mélodie de crainte et de terreur, poème farouche, il surgit dans cet ensemble liturgique, si doux et si nuancé. Il prophétise les jours de la colère à venir, mais en même temps il renouvelle les sombres semaines du siège. Son éclat aide cette messe à exprimer complètement ses âmes messines, dont les années ont pu calmer la surface, mais au fond desquelles subsiste la première horreur de la capitulation. Jour de colère, jour de larmes, qui pourrait retenir ses fidèles de trouver un sens multiple et leur propre image sous la buée de ses proses. Depuis les siècles, chacun interprète les beaux accents latins. Juge vengeur et juste, accordez-moi remise. Délivrez-nous du lac profond où nous avons glissé. Délivrez-nous de la gueule du lion, que le Tartare ne nous absorbe pas. Que nous ne tombions pas dans la nuit. Cette nuit, pour les gens de Metz, signifie une dure vie sous le joug allemand, loin des douceurs et des lumières de la France, et pour eux l'idée de la résurrection se double d'un rêve de revanche. Ils enrichissent de tout leur patriotisme une liturgie déjà si pleine. Ces longues supplications, d'une beauté triste et persuasive, ces espérances où la crainte et la douleur s'évadent parfois en tumulte, recréent au ras du sol, sous cette voûte où palpitent les ombres, l'émotion des premiers chrétiens aux catacombes. Une religion se recompose dans cette foule en deuil, une foi municipale et catholique. Ces messins croient assister à la messe de leur civilisation. Ils forment une communauté, liée par ses souvenirs et par ses plaintes, et chacun d'eux sent qu'il s'augmente de l'agrandissement de tous. Cette magnanimité qu'ils voudraient produire dans des actes sublimes, ils en témoignent jusque dans les détails familiers de cette matinée. Avec quelle vénération tous s'inclinent devant les dames de Metz, qui sollicitent et tendent une bourse au large ruban noir pour l'entretien des tombes. La cathédrale est pleine des émotions les plus vraies, sans rien de théâtral. Au bas de l'église, Colette à genoux, entre son allemand et sa grand-mère, subit en pleurant toute la puissance de cette solennité. Elle ne leur oppose aucun raisonnement. Elle repose. Elle baigne dans les grandes idées qui mettent en émoi tout le fond religieux de notre race. Durant un mois, elle s'est demandé, après 35 ans, est-il excusable d'épouser un Allemand? Mais aujourd'hui, trêve de dialectique. Elle voit bien que le temps écoulé ne fait pas une excuse, et que les 35 années ne sont que le trop long délai depuis lequel les héros attendent une réparation. Leurs ombres l'effleurent, la surveillent. Osera-t-elle les décevoir, leur faire injure, les renier? Cette cathédrale, ses chants, ses notables, tout ce vaste appareil ébranle la pauvre fille. Mais par-dessus tout la présence des trépassés. Colette reconnaît l'impossibilité de transiger avec ces morts qui sont là, présents. Monsieur Asmus est à 1000 lieues de cette délicatesse. Il revient de Königsberg, heureux de s'être délié de sa fiancée. Au son de la musique, liturgique, il rêve de plaisir, et en examinant cette belle société, qu'il trouve un peu triste, il se voit déjà monté en grade. Son allégresse intérieure fait un étrange mariage avec les scrupules de la jeune fille. Cela rappelle les Deschamps que les vieilles écoles de musique messine, jadis si fameuses, avaient mis en vogue dans cette cathédrale. On raconte qu'alors qu'un chantre faisait entendre les graves paroles de l'office, l'autre entonnait une mélodie mondaine, populaire, comme l'était par exemple « L'on le rieux de la fontaine ». Pourtant ce frivole Asmus, au moment de l'absoute, quand les cloches commencent à sonner et que les prêtres viennent se ranger autour de catafalques flamboyants, observe que Colette a essuyé ses larmes et que son visage resplendit de force. Il s'effraie en devinant chez la jeune fille une sorte d'enthousiasme dont il ne peut pas espérer d'être l'objet. Celle-ci, à la chaleur de cette cérémonie, distingue ce qui reposait de plus caché pour elle-même dans son âme. Ce qui s'épanouit sur cette humble tige et au cœur de cette simple, c'est le sentiment religieux, avec la nuance proprement locale, c'est la fleur messine. Colette maintenant perçoit avec une joyeuse allégresse qu'entre elle et M. Asmus, ce n'est pas une question personnelle, mais une question française. Elle se sent chargée d'une grande dignité, soulevée vers quelque chose de plus vaste, de plus haut et de plus constant que sa modeste personne. Elle quitte l'église avec légèreté, entraînant sa grand-mère et le professeur, et dès le seuil, au milieu de l'assemblée qui s'écoule, sur un trottoir de la place d'armes, toute impatiente de se déclarer, elle se tourne vers le jeune Allemand. Déjà un grand nombre de fidèles retournent à leurs affaires, tandis que des petits groupes se dirigent vers Chambières. Encore quelques minutes, et ses serviteurs de l'idéal auront tous repris leur niveau d'homme, en même temps que Faber et la cathédrale, leur demi-solitude. Mais cette fête des morts n'aura pas été une excitation sans effet. « Monsieur le docteur, dit la jeune fille, je ne peux pas vous épouser. Je vous estime, je vous garderai une grande amitié. Je vous remercie pour le bien que vous pensez de nous. Ne m'en veuillez pas. » Asmus s'est congestionné jusqu'au rouge sang de bœuf, à mesure que la jeune fille articulait ses mots, d'un ton ferme et toute rayonnante, de sa victoire, sur ce qu'il l'aurait amoindri. Madame Baudoche, qui l'invoque d'un regard, ne le voit même pas. Sans souci de la foule, elle embrasse Colette. Le Prussien s'incline, sèchement, et s'éloigne. Il va réfléchir des mois et des mois, sans savoir s'il doit admirer ou détester cette réponse. Que voulez-vous, mon cher monsieur Frédéric Asmus? Vous êtes une victime de la guerre. Votre naïve impétuosité n'avait pas tort de céder à l'attrait de cette terre lorraine, qui désire refaire avec ceux qu'elle attire, ceux qu'elle a perdus. Tout semblait propice à ce rêve pacifique, mais une jeune fille a choisi la voie que lui assigne l'honneur à la française. Rentre, Colette, avec ta grand-mère, dans votre appartement du quai sur la Moselle. Inconnue à tous et peut-être à toi-même, demeure courageuse et mesurée, bienveillante et moqueuse, avisée, loyale, toute claire. Persévère à soigner les tombes et garde toujours le pur langage de ta nation, qu'elle continue à s'exhaler de tous tes mouvements, cette fidélité qui n'est pas un vain mot sur tes lèvres. Petite fille de mon pays, je n'ai même pas dit que tu fusses belle, et pourtant, si j'ai su être vrai, direct, plusieurs t'aimeront, je crois, à l'égal de celle qu'une aventure d'amour immortalisa. Non loin de Clorinde et des fameuses guerrières, mais plus semblable à quelques religieuses sacrifiées dans un cloître, tu crées une poésie, toi qui sais protéger ton âme et maintenir son reflet sur les choses. Nous, cependant, acceptons-nous qu'une vive image de Metz subisse les constantes atteintes qui doivent à la longue l'effacer? Et suffira-t-il à notre immobile sympathie d'admirer de loin un geste qui nous appelle ?